Chaque fois que j'entends les chansons italiennes, je commence à penser aux étés que j'ai passés en Grèce avec ma famille. Je me souviens bien des audiocassettes qu'on a écoutées dans la voiture. Et on ne les utilise plus, mais je les ai gardées parce que ce sont des mémoires très chères. Le son des vagues, beaucoup de gens à la plage qui crient et rient, les enfants qui jouent dans le sable, tout ça me rappelle mon enfance. Stanotte mi ha portato via con sé. J'aime les sons qui sont plutôt apaisants, par exemple une mélodie lente d'un piano, les sons de la nature, et aussi j'aime écouter le son de la musique de bouddhisme, parce que ça donne une énergie, voilà. Le son de mon mobile parce que je sais que je ne suis pas seule. C'est parce que je pense que un homme c'est un être sociable. J'aime aussi le son des oiseaux, printemps, parce que ça désigne l'essence de la nature. C'est la saison préférée pour moi, parce que je suis née au printemps. J'aime écouter la pluie et aussi la voix que les chats produisent quand ils ronronnent. C'est très calme. Donc, mon son préféré, c'est le son de vent. C'est comme si quelqu'un siffle. Bon. C'est un peu inquiétant si comment problèmes viennent, mais en même temps c'est très calmant et c'est bon, c'est un peu je peux pas expliquer pourquoi j'aime ces sons, mais c'est sympa. Et l'autre son que j'aime aussi, c'est le son des oiseaux. Donc quand les oiseaux chantent, ça m'évoque au printemps, ça me rappelle toujours au printemps, au soleil, au quelque chose très calmant, puis bon, c'est ça.